la crème du 91. Les meilleurs, ceux qui ont le plus de cœur. ALKPOTEKTAMA, la ténébreuse unité de feu. La crème du 9-1, bande de putains. Bro, je vais y aller mollo, je vais pas être trop violent. Dès les premières mesures, je sens déjà que les homos tremblent. Je pourrais tous les broyer comme Bolo Yang. Ma bite leur sert toboggan, leur slip et odorant. Maintenant le niveau s'élève d'un cran. J'invente des positions pour baiser, pas besoin de gingembre. 500 eux me suffisent pour que je vise en plein centre. Que je t'arrose de vin blanc, que je pose un couplet flingue. Je suis camerounais, j'aime pas le porc, j'aime pas le poulet. Si t'as un bédo, il te reste plus qu'à le rouler. Si t'as de la vodka, t'es fin prêt pour la taco de gamme. Alka Cosmal, moi j'suis l'image de la carte postale. U de F, à la vie, à la mort, l'ami passe d'abord. On fait attention à ne pas voir de flic à la porte. Dédicace aux frères du quartier, à 11% pour son ma joanne, je te jure qu'on niquera de grandes poufias, frère. Si un son maléfique sent comme ça glisse, U de F, salope, laisse-toi faire. Dis-le au gars, chérie, pour te satisfaire. Si un son maléfique sent comme ça glisse, U de F, salope, laisse-toi faire. Dis-le au gars, chérie, pour te satisfaire. Ça pue les trafics, les arrestations. Je vais plus métaclic, tu vas me sucer la bite avec passion. Faut que tout Paris et l'Île-de-France sache qui on est. Appelle-nous si tu veux pécho, un litron de C. Bientôt tu verras l'U2F dans le journal. Je joue pas, je suis redoutable, préparez les deux sous table. Laisse les chaînes se tromper devant leurs pièces montées. Moi je vais me faire pomper par de vieilles dévergondées. C'est les meilleurs de tout le comté. L'unité de feu avec Mélo Philo vont vous le montrer. La bombe sous mon nez est désamorcée. J'ai déjà morflé, la crasserie je vais t'apporter. Putain, Dieu m'a donné la foi comme Ophélie. C'est du haut débit, MC va prendre tes protéines. C'est colérique, c'est poétique. Je joue avec la phonétique, pas besoin de faire de polémique. Suceur, si un son maléfique sent comme ça glisse, U de F, salope, laisse-toi faire. Dis-le au gars, chérie, pour te satisfaire. Si un son maléfique sent comme ça glisse, U de F, salope, laisse-toi faire. Dis-le au gars, chérie, pour te satisfaire. Putain, j'aime pas ça, cette fausse impression d'être qu'une merde. Un maigre vulgaire, alors que je suis un maître en bulle d'air. Indéclassable, 16 mesures, 40 secondes, assassine pour briller. Après je retourne à ma vie d'ouvrier. Putain c'est quoi ça? Ça m'apprendra à rapper pour les gosses de l'an 3000. Et ma famille cassure à mon steak à table. Ils veulent quoi? Que je brille en faisant quoi? Un meurtre? J'fais que ça au chromie depuis la fin des cartables. Tous intestables, fini le temps des esclaves. Trop de souffrance dans nos têtes, les flics y pensent et blessent la veuve. Joue vise mal les esclaves et le bilan est désastreux. Rempli de haine, ma me tape plein temps comme flex à veuve. J'recherche l'extase comme mes gens qui pèsent la veuve. Dont tu lèches la queue pour en avoir n'en serait-ce qu'un peu. Comme Al Qadu de F, j'adore avoir le sexe baveux. Katana Al Capitana, j't'autorise le 7-4-2. Si un son maléfique sent comme ça glisse, U de F, salope, laisse-toi faire. Dis-le au gars, chérie, pour te satisfaire. Si un son maléfique sent comme ça glisse, U de F, salope, laisse-toi faire. Dis-le au gars, chérie, pour te satisfaire. Si, si, la crème du 9-1 pour te satisfaire. C'est comme ça qu'on fonctionne, la ténébreuse unité de feu. Mélo Philo, Onzi, Evry pour couronne et sonne. C'est comme ça qu'on fonctionne, bande de putains.